Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors aujourd'hui, on va faire un flop des oublis. Ouais, oui. Flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop. Alors Serena, du coup, on s'est rendu compte en enregistrant qu'on avait oublié de parler de tous les films qu'on a oubliés. Parce qu'il y a un petit pas peu mal ça. De films. C'est un peu ça le principe du flop des ouais. oublis, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les flop cruise des films qu'on a vus pourtant. Mais on a oublié. Il n'y a pas si longtemps que ça. Oublié. Voilà, donc oublié. Voilà. Et on avait complètement oublié de préparer cette chronique. Donc, Mais grave. c'est un peu le bonus. Alors. Il y en a tellement. Bah alors il y en a un qui est assez évident puisque ouais. c'est son nom. C'est et en plus, Oblivion. Et en plus, elle a vraiment oublié. Moi, je l'ai vraiment oublié. On était là entre deux enregistrements, on se dit bah mince, c'est vrai qu'il y avait Oblivion, complètement zappé. Même pas regarder quand j'ai regardé les meilleurs, ah ouais, les pires, même rien pas regarder. Oublié. Ah complètement ouais. zappé. Bah, ça c'est un peu le top 1, je pense, de l'oubli. Ouais, c'est bah, et puis il porte bien son nom quoi. On l'a oublié. Le film oublié et oubliable du coup. Et oubliable, ouais. Franchement. Est-ce que t'en as un autre qu'on aurait oublié? Bah moi, Lion et Agneau. Ah oui. Je l'ai vraiment sorti de ta tête. J'ai sorti. Et je me rappelais plus trop, même pas. J'étais là, mais attends, mais il était l'intervieweur ou l'interviewé, je savais même c'est plus. Le sénateur oui, interviewé voilà. par Meryl Streep, ouais, bah oui. J'ai eu un, je pensais que c'était lui qui interviewait Meryl Streep, tu vois. zéro, ça a laissé zéro aucune trace. Trace. Et toi, t'en as un autre? Après, ouais, c'était. Pourtant, j'avais bien aimé, je me rappelle à l'époque. A Few Good Men. Ah ouais. Complètement zappé, ce film d'avocat, là. Ah ouais. Complètement zappé. Aucun. C'est là, en regardant les des films, tu fais ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'était pas. C'est pas. Ouais, c'est pas ouf. Après, ça, c'était pas mal, tu vois. Mais à oui. oubliable, parce que pas très. Ouais, mais en plus, ça ressemble un peu tous là dans cette oui, il y a une phase, période où les films se ressemblent, c'est vrai. Donc celui-là, vraiment. Donc, du coup, tu gardes que le meilleur et les autres, tu fais. Ouais. C'est bon. Whoop. Ça dégage. Voilà, je crois qu'il y a ça. Après, il y a celui de Coppola, mais on l'a pas vraiment oublié, c'est juste qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Ah, les Outsiders. Ouais. Oui, bah, parce que Tom Cruise, il a pas un rôle. Mais non, mais moi, je me rappelle pas mal de ouais, scènes. Ouais, il fait le salto quand même. Il fait le salto, ça certes. Et après, c'est ça. Un bon film. Mais après, oui, par rapport à Tom Cruise, c'est pas très intéressant. Oui, mais en réalité, moi, je me rappelle quand même de. Ouais, moi aussi, je me rappelle. Au moins de la trame générale, quoi. Oui. Et après, c'est pareil, celui qu'on cite pas trop dans les tops et tout ça, c'est All the Right Moves. Oui. Mais ouais. C'est plus parce qu'il est neutre, quoi. C'est pas qu'on l'a oublié, c'est juste bon. Bon, un peu oublié quand même, je me rappelle plutôt. Ah, si, je me rappelle. C'est le petit jeune prof, qui. Les coachs qu'il aime pas. Ouais. Voilà. Voilà, bon, super. Voilà. On a rattrapé les oublis. On a rattrapé les oublis. Au moins, ce qu'on ne dira pas dans les autres, j'imagine. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est quoi cool. On les a oubliés. Yeah, bah. Merci et à demain. À demain.